ce vendredi à la vie en BD, science-fiction et western avec Far Out, l'univers fantastique de la bête du lac, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, comme à l'habitude, jusqu'à 18h30 pour porter notre regard hebdomadaire sur le 9e art, sur la bande dessinée. Et on est vraiment dans la bande dessinée de genre cette semaine. Quand on parle de genre, ben, on va lorgner vers la science-fiction, vers le fantastique, vers les légendes, vers les mythes, à différents degrés. Donc, en deuxième partie, on va porter un regard sur la trilogie de La Bête du Lac qui s'est conclue l'automne dernier. Donc, de Patrick Boutin-Gagné et François Lapierre qui nous amenait dans les étendues nordiques du Québec avec des histoires de monstres, de mythologie amérindienne métissée avec de la mythologie celtique. Alors, il y a de quoi jaser et on va en parler avec le scénariste François Lapierre, question de dresser le bilan, justement, de cette trilogie. Également, un autre scénariste qui sera de passage, celui de Far Out, Gauthier Langevin. Far Out, un univers de western métissé avec de la science-fiction, des robots qui sont sur une planète dans laquelle il y a moult mystères à saisir, à comprendre, à décrypter, ne serait-ce pour commencer que leur présence sur cette planète-là à proprement parler. Alors, une très, très belle série qui est à la fois éditée sur le web et en édition papier. Et encore là, on est dans du rattrapage automnal. Alors, deux albums dont on avait envie de vous jaser cette semaine. Aussi, en fin d'émission, l'un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne, sera avec nous pour partager quelques commentaires BD et plus, évidemment. Parallèlement dans l'actualité, ben, plusieurs nouvelles. On commence peut-être par une nouvelle un peu plus triste. Donc, ça a circulé pas mal au fil de la semaine dernière. Donc, le décès relativement soudain de l'éditeur, en fait, de comics Alvin Buenaventura au fil des dernières années, de la dernière décennie à tout le moins. Donc, il a offert Millennium chez Buenaventura Press, entre autres. Évidemment, on parle d'un pionnier de l'édition qui a réussi à regrouper, en fait, des acteurs importants à l'époque, la relève dessinée. Donc, au fil des années 90, il a vraiment été le premier à mettre en de l'avant certains auteurs qui sont par la suite devenus importants, des offres également de livres et de titres incontournables. On pense à Comic Book Holocaust de Johnny Ryan. On pense à Spaniel Rage de Vanessa Davis. On pense également, peut-être principalement, ce qui risque de lui survivre bien au-delà d'autres titres, dans une certaine mesure, là, à défaut d'une meilleure formulation. Donc, c'est les deux volumes du titre de Sammy Arkham, Kramer Ergot. Donc, une anthologie, le Kramer 7 qui a été publié en 2008. Était massif également. Les gens qui contribuaient étaient imposants, importants. Daniel Klaus, Matt Groening, Seth Gabriel Bell, Jimmy Hernandez et d'autres. Alors, qui montrent aussi, ben, je pense que la capacité qu'avait l'éditeur à aller chercher des acteurs prestigieux de cet univers-là. Ah ben voilà. Donc, Alvin Buenaventura qui nous a quittés un peu plus tôt cette semaine. Autre sujet, autre ton complètement. On a beaucoup parlé cette semaine dans l'univers BD d'un projet de parc d'attractions à Angoulême, alors que le souvenir du projet avorté de la réplique géante de la fusée rouge et blanche d'Hergé hante toujours cette cité, mais voilà que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême planche sur un autre projet lié à la BD. C'est Charente Libre qui a révélé ça, un parc à thème de 5 hectares sur une emprise de 30 avec une centaine d'emplois directs. Il reste, on parle de 17 attractions attractions. Assis dans des wagons, entre autres, les visiteurs découvriraient des parcours scéniques basés sur différents univers, peuplés de personnages célèbres. La bande dessinée, on parlerait en fait d'un montant d'investissement qui pourrait monter à 58 millions d'euros. Et sinon, des adaptations également dont on parle, l'adaptation par exemple de Seul, inspirée de la série BD d'aventures fantastiques du même nom, signée Fabien Vellman et Bruno Gazzotti, va commencer à la fin du mois de février en région parisienne pour 9 semaines. Seul, je vous rappelle, raconte les aventures de 5 enfants qui se réveillent un matin constatant que tous les habitants de la ville ont disparu, sauf eux. C'est le réalisateur David Moreau qui s'attelle à la tâche. Autre adaptation, on parle de la Comédie française, de Moulinsart et de France Culture qui a annoncé la coproduction d'une collection radiophonique autour des 6 fameuses aventures de Tintin. Donc on parle des cigares du Pharaon, du Lotus Bleu, des 7 boules de cristal, du Temple du Soleil, de l'affaire Tournesol et des bijoux de la Castafiore qui vont être interprétés pour la radio pour une diffusion qui va avoir lieu au fil de 2016 et 2017. Il y en a déjà une première d'ailleurs que vous avez peut-être pu entendre, ne serait-ce que via les détours du web, qui sait. Alors c'était des cigares du Pharaon qui avait été débuté. Ah ben voilà, donc un nouveau projet autour de l'univers de Tintin. Alors voilà pour ces petits clins d'œil d'actualité. On s'en va maintenant en musique. Une petite trame qui va nous accompagner au fil de l'émission. Allons lorgner du côté de Millimétrique, pourquoi pas. Donc on va écouter un petit extrait de l'un de ses albums qu'il nous a offert au fil de 2014. Alors ben voilà donc un premier extrait. Toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, La Vie en BD se poursuit. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez trouver nos émissions en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Alors, tel qu'annoncé, d'entrée de jeu, on plonge maintenant dans l'univers du western et dans l'univers de science-fiction de la série Far Out, tome 2 qui a été publié l'automne dernier. Et pour discuter de la série, un brin, on est en compagnie du scénariste Gauthier Langevin. Bonjour. Salut Raymond. Alors, Gauthier, pour commencer, peut-être refaisons un peu la genèse de la série. Qu'est-ce qui, il y a de ça déjà quelques années, t'avait amené vers le western, vers la science-fiction également, aux côtés du dessinateur Olivier Carpentier? Ce qui m'avait amené à la série en particulier, c'est justement Olivier Carpentier qui est venu me voir avec la demande bien précise, en fait, de lui fournir un scénario pour ce qui deviendrait par la suite Far Out. Ça faisait quelques années déjà que Olivier travaillait avec nous au studio Lunac à Montréal, et puis il nous avait fourni des images de ces robots cowboys pour certains produits qu'on faisait avec le studio déjà. Puis suite au succès de ces produits-là, Olivier s'est dit ben que ce serait intéressant de mettre de la chair autour de l'os, si on veut, puis de créer un univers autour de tout ça. Puis moi, ça me tentait énormément. J'ai eu une idée, puis on est parti comme ça. Faut dire que déjà, Olivier puis moi, on avait une passion pour le western, pour les vieux films de... Ben, pas si vieux que ça, quand même. Pour les films de Sergio Leone, le western spaghetti, puis la science-fiction en général. Donc, c'était comme un... C'est un, terrain de jeu idéal pour des fans de western et de science-fiction comme nous. Oui, puis en même temps, en fait, il y a des codes, on dirait, qui sont tellement clairs, tellement connus, qu'on peut vraiment s'amuser soit à les intégrer, soit à les détourner, mais il y a cet aspect-là de terrain de jeu aussi qui devient intéressant dans le genre lui-même, dans son potentiel. Oui, on se gêne pas à faire du pastiche là, dans Far Out. Je pense que c'est très assumé là, qu'on reprend des codes classiques au western, puis on s'amuse avec beaucoup plus que... On n'a pas la prétention d'arriver avec un récit sorti de nulle part. Là. C'est vraiment... C'est directement sorti de nos influences, puis de ce qu'on aime. Puis je pense qu'avec le travail sur les couvertures qu'on a faites, on reprend carrément des affiches de western pour les tourner dans notre univers de Robo Cowboy. On a des cases dans la bande dessinée qui sont tirées qui reprennent des scènes célèbres aussi là, de certains univers de science-fiction comme Akira par exemple. Je pense que c'est des petits cadeaux qu'on fait à nous-mêmes puis qu'on fait aux lecteurs aussi en même temps. Là. Oui, en fait, qui permet de tisser un peu la toile de vos influences d'une certaine manière. Oui, puis j'ai toujours pensé que de travailler avec des références nous aidait à enrichir un univers puis à parler rapidement ou à dire rapidement certaines choses que tout le monde va comprendre. Je pense que c'est ça l'utilité d'une référence, c'est un mot-clé en fait, une référence, c'est un raccourci qui va te permettre d'apporter plein d'émotions puis de poésie à une scène sans refaire tout le travail qui a déjà été fait à l'origine, puis bonifier ça par après avec ton propre récit. Là. Et en même temps, ce qui est intéressant, quand on parle, par exemple, de Léoné comme influence, et je pense que ça se sent bien dans Far Out, donc l'idée de prendre le temps d'installer une ambiance, d'installer un endroit, d'installer des paysages, d'installer des regards, une tension, mais ouais. Vraiment de prendre son temps, et j'ai l'impression qu'on est toujours content quand on voit quelqu'un qui relève le défi, si on peut dire, de le faire aujourd'hui dans une société où on carbure à l'image, à la vitesse, et dire mais faut bien placer, faut donner ce luxe-là, et ça paye. Oui, t'as raison de dire que c'est un luxe. Là. Nous, on peut se le permettre parce que le studio est une structure qui est très proche des auteurs, puis en même temps, nous, le fait de passer par Kickstarter, par exemple, pour financer le tome 2, ben ça nous permet d'être vraiment maître d'œuvre de notre projet. Puis le rythme, c'est vraiment nous qui le décidons. Tant qu'il y aura des gens pour lire la bande dessinée, on va continuer avec ce rythme-là. Je pense que dans le tome 2, ça bouge un peu plus. Mais les premières pages sont on a quand même des pour parler en anglais des establishing shots qui sont quand même assez efficaces là quand on dévoile certaines villes ou certains personnages là, on ralentit quand même dans le rythme là. Oui, en fait, j'ai l'impression que le premier tome, c'était vraiment beaucoup l'introduction à cet univers-là. Ouais. Le deuxième, tranquillement, sans nécessairement apporter des réponses, on apporte des nouvelles précisions qui nous permettent de mieux comprendre les questions, si on peut dire, qui sont soulevées à travers l'univers que tu crées avec Olivier, finalement. Oui, c'est une étape après l'autre. Là. On a vraiment bien placé tous les personnages. On explique un peu plus pourquoi les personnages sont là. Dans le troisième volume, on est vraiment là dans l'explication totale de l'univers. Nous, moi, mon intérêt, c'était de construire un univers complètement déjanté, mais qui était quand même vraisemblable. Mm-hmm. Et puis de partir avec la prémisse du robot cowboy, le défi était énorme, tu sais, de se dire bon, mais on va créer quelque chose de vraisemblable, puis ça fera pas, ça va peut-être avoir l'air d'une gimmick au début, mais les gens qui vont nous suivre pendant toute l'aventure vont comprendre. C'est le pari qu'on prend, c'est que on réussit quand même à intriguer assez le lecteur pour qu'il ait envie de continuer à nous suivre sans pour autant être frustré. Oui, puis à la limite, en fait, le ton, je trouve, dans l'univers Far Out, c'est très réaliste, en fait. Oui, il y a un côté quand on... Si on met sur papier en disant, mais c'est des robots, il y a ci, il y a ça, il y a des bibites, il y a... ça peut paraître un peu bizarre, mais vous ne jouez pas du tout bizarre. Je veux dire, c'est parfaitement réaliste, puis dans le contexte de l'univers, on ne se pose pas de questions. Au bout du compte, après trois pages, c'est comme ça, puis voilà, c'est tout. Oui, c'est ça, on embarque ou on n'embarque pas. Je pense que pour ceux qui sont habitués de lire de la science-fiction puis d'être amenés dans des univers de ce genre-là, sont pas du tout dépaysés. Je pense que en 2016, avec l'offre de jeux vidéo ou de bandes dessinées, de séries télé qu'on a, on peut se permettre d'être de plus en plus déjanté. Puis il va toujours avoir des gens qui vont être partants pour nous suivre là-dedans. Et en même temps, comme scénariste, bon, j'imagine que tu pars avec plusieurs des clés, si on peut dire, au départ. Puis après ça, il y a le jeu, évidemment, au-delà de l'écriture du scénario en tant que tel, il y a le jeu de savoir bien doser les réponses, les indices, les éléments, les références. Comment tu te prends un peu pour placer justement l'architecture de révélation, l'architecture mythologique, finalement, du récit de Far Out? Je savais dès le départ où je voulais m'en aller. J'avais des explications pour pas mal tout ce que je voulais amener comme concept nouveau dans cet univers-là. Par exemple, pourquoi c'est des robots qui sont sur cette planète-là, pourquoi ils ont adopté la culture western, si tu veux. Et puis les réponses, je construis des récits autour des réponses. Donc à chaque volume, il y a une réponse qui arrive, et puis le but, c'est de construire une histoire qui va graviter autour de cette réponse-là. Oui, puis en faisant languir juste assez longtemps, si on peut dire, le lecteur, ou en lui donnant juste assez d'éléments pour garder son attention, soutenir au-delà de l'univers qui est bâti, mais de voir un peu le rite de révélation, entre guillemets, parce que c'est un peu ça aussi, la découverte mythologique, c'est un peu au cœur de l'expérience lecteur que tu proposes, j'ai l'impression, avec Far Out. Oui, puis tu sais, j'ai découvert... parle de mythologie, j'ai même dans le tome 2, j'ai découvert l'espèce de petit aspect du western que j'avais pas du tout abordé dans le tome 1, qui est toute cette dimension psychédélique qui est parfois présente dans certains films des années 70. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu puis que je veux aborder aussi dans le prochain volume. Puis ça aide beaucoup à créer cette mythologie-là autour de la série, autour des créateurs, en guillemets, de cet univers-là. Et le rythme de la série que tu construis avec Olivier Carpentier, comment ça se passe un peu justement? Est-ce que tu lui fournis en disant pour les trois prochaines pages, on voit une bande de robots qui dévale, si on peut dire, le désert, ou est-ce qu'on y va plus précisément? Comment se fait un peu la dynamique de création, de mise en scène dans des segments justement peut-être plus contemplatifs comparativement aux segments plus d'action, parce qu'il y en a aussi, il y en a encore plus dans le deuxième tome. Donc j'imagine que c'est des dynamiques de travail quand même assez différentes en termes de ce que tu livres à Olivier, etc. C'est toujours des descriptions case par case. Fait que ça soit une scène d'action ou une scène contemplative, il y a de la description à faire. Je te dirais même qu'il y en a presque plus dans une scène où il y aura pas d'action, parce que c'est un sentiment, c'est une émotion qu'on essaie de faire transparaître à travers la case. Donc il y a plus d'écriture à faire sur une scène muette que sur une scène qui va être pleine de dialogues ou bourrée de fusillades. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est important pour surtout dans le western, là, c'est d'établir cette ambiance-là. Donc si on l'a pas, c'est ça jure un peu. Oui, puis à travers ça, de réussir à placer des personnages qui vont être charismatiques par leurs actions autant que par le dessin qui va les porter. Oui. Parce que veut pas Far Out, c'est centré, il y a l'univers, il y a l'aspect western, mais reste que c'est les personnages, ces robots-là très expressifs finalement, qui sont au cœur de l'ensemble aussi, puis au cœur du soutien de notre attention finalement. Oui, il faut pouvoir s'attacher à eux, donc c'est quand même un défi ça aussi. Ça reste des automates, donc on a moins d'outils pour que le lecteur s'identifie à ces personnages-là. C'est pour ça qu'on qu'on a gardé un peu l'aspect cartoon, si tu veux, dans la manière dont les personnages s'expriment avec leur visage. Pour nous, c'était important que nos personnages restent sympathiques. Et tu parlais tantôt justement du défi d'édition, le Kickstarter. En fait, le premier tome a très très bien roulé. J'imagine que, en fait, il y a eu une réédition, si je me trompe pas. Oui. Le deuxième, donc le Kickstarter, vous avez dépassé aussi l'objectif. Donc de voir qu'il y a quand même justement un intérêt qui est marqué envers une série comme celle-là. J'imagine que ça doit être satisfaisant aussi. Surtout ça, quand on parlait du pari de la lenteur, du pari du genre que vous aviez pris au départ. Oui, c'est vraiment. Ça fait partie de notre salaire là, quand on va vraiment en convention, en festival, puis qu'on voit des lecteurs, soit des enfants ou des plus vieux de notre âge qui trippent sur la série puis qui attendent la suite. C'est vraiment super gratifiant, puis c'est ce qui donne le plus envie de continuer, c'est de pas décevoir tout ce monde-là. Je pense qu'il y a des belles choses qui nous attendent là, pour l'année qui s'en vient. Moi, j'ai terminé d'écrire le synopsis là, du prochain livre. Donc, on embarque en prod bientôt. Puis, c'est vraiment les présences en festival, la rencontre avec les lecteurs qui est notre carburant pour continuer. Oui, puis je pense, en fait, j'étais tombé sur une entrevue, puisque, évidemment, je le mentionne aussi au passage, j'étais également l'éditeur de Studio Lunac, et tu disais dans cette entrevue-là, regarde, aujourd'hui, pour vendre un livre, on peut pas simplement s'appuyer, exemple, sur le réseau des libraires et autres, faut aussi aller dans les événements, les festivals, et finalement, on se retrouve à vendre copie par copie notre ouvrage. Là. C'est un livre après l'autre, ça n'a jamais été aussi vrai... Dans l'industrie du livre, en général, c'est pas mal ça, là, au Québec. En bande dessinée, on a la chance d'avoir un réseau d'événements qui est de plus en plus consolidé, puis de plus en plus varié. Donc, ça nous permet de tourner, puis de rencontrer les lecteurs. En librairie, on est confronté à une compétition quand même assez colossale. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de se démarquer. L'événementiel est un de ces moyens-là. Donc, il y a la vente en ligne, il y a le dématérialisé aussi, là, sur lequel on travaille beaucoup, de plus en plus. Et vous aviez choisi justement aussi un format qui n'était pas format album, plus format qui se rapprochait du comics à l'américaine, si on peut dire, avec couverture souple aussi. Est-ce que c'est des choix qui sont un peu aussi dans l'optique de réussir à démarquer un peu les Far Out puis d'autres ouvrages de Lunac versus d'autres éditeurs BD? Dans nos influences, tant artistiques qu'éditoriales, on se rapproche beaucoup plus de ce qui se fait aux États-Unis. Tu vois, même quand je rencontre des gens en France, j'appuie vraiment sur le fait que les éditions Lunac, c'est une maison d'édition nord-américaine. Même si on parle français, on est un éditeur américain. Ça, souvent, même les Français ont de la difficulté à comprendre ce concept-là à cause de la langue. Mais nos influences sont vraiment plus américaines. Nous, ici, à Lunac, la moitié des artistes qui sont en résidence soit viennent du Canada anglais ou des États-Unis. Donc, c'est sûr que ça a une influence sur la manière dont on travaille puis la manière dont on fait des livres, tout simplement. Là. Et vous aviez traduit Far Out, en fait. Il y avait une édition limitée, si je ne me trompe pas, que vous aviez trimballé à New York à un moment donné. Oui, on l'a amené au Comic-Con de New York, à TCAF, au Toronto Comic Art Festival. Puis on y retourne en mai prochain parce que c'est un des événements pour nous qui a le mieux fonctionné dans l'année. Et la réaction, en fait, quand on parle d'un public anglophone, en fait, j'ai l'impression que la culture du western n'est pas nécessairement la même dans la mesure où le franco-belge a peut-être un peu plus carburé à la BD, Blueberry, Lucky Luke et le reste. Le public américain, c'est plus le cinéma qui a marqué les références de ce côté-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent un peu ou? Oui, même moi, j'étais surpris de tomber sur si peu de productions aux États-Unis en bande dessinée, là, à part Jonah X, puis East of West, qui est un peu qui est un genre de western de science-fiction, mais il prend très peu au code du western. Je te dirais que les gens sont surpris quand ils voient un western fait au Québec. Mais l'intérêt est là, les gens sont curieux. Puis je te dirais que les fans, les lecteurs de East of West, qui est publié chez Image Comics, ont vraiment une facilité incroyable à rentrer dans l'univers. Fait que pour nous, c'est une manière de plus de vendre notre série, si tu veux. Oui, puis de poursuivre, en fait, d'aller convaincre différents publics en jouant justement avec les différents ingrédients que vous avez insérés dans Far Out, finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'est un des défis aussi pour nous de toucher au public américain. Je pense que on peut pas non plus juste pour les États-Unis, du moins, là, on n'a pas encore les reins assez solides pour tourner partout aux États-Unis. Fait que je pense que dans la prochaine année, ça va être de développer l'offre sur des plateformes comme Comixology, par exemple, qui est une plateforme de diffusion de comic book en ligne. Oui, effectivement, parce que dans le fond, c'est une manière de se délocaliser puis de pas justement être toujours limité par être forcé par la présence physique, soit du livre, soit de l'éditeur, soit des auteurs dans différents événements, mais de se sortir un peu peut-être des limites qui sont liées à l'événementiel sur les dépenses de transport, le temps, etc. etc. Oui, c'est ça. C'est à chaque territoire, on a une stratégie de diffusion puis de distribution qui est différente. On commence là vraiment à apprendre quoi faire en fonction de chaque territoire. Donc, le Québec, c'est sûr que c'est vraiment plus l'événementiel, la vente physique. Les États-Unis, ça va vraiment plus être numérique. Et le socio-financement aussi, il y a quand même 50% de nos supporters sur Kickstarter qui sont des Américains. Donc, il y a quand même une certaine quantité de copies physiques qui partent aux États-Unis. Et parallèlement, Gauthier Langevin, Far Out, on s'en était parlé d'ailleurs dans le passé. C'est une série qui avait été d'abord diffusée sur Kimik.com, qui l'est toujours d'ailleurs. Ouais. Comment se passe un peu la dynamique entre justement l'édition papier, l'édition web? J'imagine qu'il y a une dynamique de lecture qui est très différente, de texture qui est différente, de mise en page peut-être aussi. Donc comment ça se passe entre l'un et l'autre? Ben, nous, on formate vraiment la bande dessinée en fonction de son fini papier. Par la suite, c'est diffusé par d'autres moyens, mais l'aspect principal de la création est en fonction de l'impression papier. Par la suite, on s'adapte pour les autres types de diffusion, là, mais principalement là, c'est pour le papier parce que bon, il y a plus de travail à faire pour que ça rentre bien dans un livre physique. Là. Oui, donc dans le fond, le web devient un peu plus un bonus, mais effectivement parce que de toute façon, c'est une manière de diffuser le web. C'est, pour nous, c'est beaucoup plus une manière de faire de la publicité, si tu veux, en guillemets. Là. Oui, surtout en fait avec un univers comme celui de Far Out, je pense en termes de rythme de lecture et le reste, ben il y a quand même quelque chose qui ressort beaucoup d'avoir l'objet physique versus ce qu'on va retrouver sur Internet, avec le temps d'attente aussi dans certains cas si on s'y est pris plus rapidement, si on peut dire. Oui, il y a beaucoup de monde même qui nous disent, surtout au Québec, la plupart des gens nous disent qu'ils lisent pas en ligne puis qu'ils attendent que le livre sorte. Là. Et troisième tome, en fait, est-ce qu'on espère resserrer un peu le temps de production vers le troisième ou est-ce que ça va plus aller dans un horizon plus lointain? On sait pas encore. On sait qu'on est capable de produire un numéro en 9 mois à peu près. C'est déjà quand même assez rapide compte tenu du temps de production qu'il faut passer sur la couleur. Parce que c'est une BD dans laquelle il y a beaucoup de texture. Mm-hmm. Notre but, c'est de rester à 9 mois. Et puis, le mois de mars, sûrement, là, qu'on va commencer une nouvelle campagne de sous-financement. Et puis, le but, c'est à l'intérieur de l'année 2016, d'avoir un tome 3 de disponible. Alors bien, on surveillera tout ça et évidemment d'ici là, il y a le tome 2 qui est disponible en ligne chez les libraires, dans les événements comme on l'a dit. Donc de cette série Far Out, Gauthier Langevin, merci. Merci beaucoup Raymond. Et à la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Oh. Raymond Poirier, toujours avec vous pour La vie en BD, avec vous jusqu'à 18h30. Et on poursuit ses regards autour l'univers du fantastique, tiens, un peu cette semaine, BD de genre, après avoir jasé avec le scénariste Gauthier Langevin de la série Far Out. On passe à une autre série, une série qui, elle, a trouvé sa conclusion l'automne dernier, après quelques années après le premier tome. On était bien content de voir la série arriver et se poursuivre et finalement se conclure. Alors que ça s'appelle La Bête du Lac, le tome 3, L'Abomination, qui a été publié l'automne dernier chez Glénat. Et pour nous en parler, on est en compagnie du scénariste François Lapierre. Bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, trilogie donc de La Bête du Lac qui arrive à sa fin. Si on revient un peu en arrière, ou même beaucoup en arrière, en fait, c'est une série sur laquelle Patrick Boutin-Gagné et toi, vous travaillez depuis quand même un certain temps. Ça avait commencé avec un récit court, Gédéon et La Bête du Lac. C'est devenu ensuite une série en bonne et due forme. Qu'est-ce qui vous avait lancé dans cet univers-là, dans un métissage, dans le fond, des univers fantastiques québécois et celtiques? À l'origine, moi, je connaissais Patrick, mais on se connaissait peu depuis. On se connaissait depuis peu, mais on voulait travailler ensemble. Moi, j'aimais son dessin, et lui il aimait beaucoup mon univers que j'avais développé dans Sagana. Quand il y a eu l'histoire, les concours, à l'époque, à Glénat Québec, faisait un concours par année avec des thématiques. Il y en avait un sur contes et légendes du Québec. Puis moi, c'est mon univers, c'était un peu mon créneau, on va dire. Donc, j'avais proposé à Patrick qu'on participe ensemble au concours. C'était un 6 pages. C'était une bonne façon de savoir si on peut être de bons amis et peut-être avoir des difficultés à travailler ensemble. Donc, un 6 pages comme ça, c'est une bonne façon de voir si ça pouvait fonctionner, nous deux ensemble, comme mariage artistique. Mm-hmm. Puis, on avait fait le test moi, j'avais développé l'histoire, justement, de Gédéon qui se faisait manger par un monstre marin parce qu'il était appâté par une sirène, en fait. Puis après ce 6 pages-là, on avait beaucoup aimé l'expérience. Notre éditeur, Glénat Québec, avait aussi beaucoup aimé. Puis il avait aimé l'idée et le concept. Donc, on a décidé d'en faire une série. Disons que le défi à ce moment-là était de partir une série à partir d'un 6 pages où le personnage principal meurt. Oui. On se dit, ouais, OK, ben là, donc on a un peu hésité. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne rampe de lancement, on s'est lancé un peu, pas à l'aveuglette, je dirais, mais on s'est laissé guider par les surprises au fil du récit. Moi, quand j'ai commencé à écrire La Bête du Lac, je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans la grotte à ce moment-là. J'avais une idée un peu où je m'en allais, mais c'était rien de défini tel quel. Et justement, ça a donné une série vraiment qui se fait par étapes, j'ai l'impression. Donc la première, c'est la bête elle-même, justement, qui est au cœur et il faut la vaincre. Dans le deuxième, en fait, il y a une porte qu'il faut ouvrir. Et le troisième, justement, on découvre qu'est-ce qui était à l'origine de tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a aussi derrière cette porte-là. Donc il y a un choix très, très délibéré, c'est très étapiste d'un tome à l'autre, là. Oui, je travaillais aussi par intrigue, on va dire. C'est qu'à la fin du tome 1, c'est vraiment une histoire quasiment d'horreur, d'horreur, on s'entend, mais classique où il y a un monstre qui menace un village et tout, et faut vraiment les villageois se liguent pour mettre un terme à cette menace. Un peu à la pas la Frankenstein, c'est un peu exagéré, mais les menaces en fureur qui décident de mettre un terme aux disparitions. Donc, il y avait ça qui embarquait là-dedans. Dans le tome 2, on tombait plus dans le fantastique, héroïque fantasy, un peu, avec des trolls et des gnomes. Mais oui, on y allait par étapes. C'était vraiment comme une première étape. Monstre marin à anéantir dans la deuxième étape. C'est surtout la porte à protéger contre il ne savait trop quoi, puis que finalement, elle se fait démolir. Fait que tant qu'à y être, ben, on va aller voir ce qu'il y a une bonne fois pour toutes à l'intérieur. Mais oui, t'as raison, on marchait pas mal par étapes là-dessus. Oui, et le troisième, en fait, dans lequel on retrouve un peu aussi plus dans l'horreur, à la limite, avec des zombies, avec quasiment des trucs de limite Lovecraftien à certains égards, avec aussi beaucoup d'humour, parce que l'humour est très présent dans les trois tomes. Donc, question de désamorcer, de créer un équilibre entre les côtés plus fantastiques, thriller, puis le côté plus déjanté du récit, à la limite. Oh, absolument. Mais premièrement, tu as utilisé le terme Lovecraftien, mais oui, je suis un gros fan de Lovecraft, comme beaucoup de gens dans le fantastique. D'où d'ailleurs le titre du tome 3, même on utilisait souvent le terme justement l'abomination ou la chose innommable, ou c'est très Lovecraftien comme terme. Oui, l'humour permettait de désamorcer, mais c'est aussi c'est là que l'humour paraît peut-être plus, parce que quand je faisais Sagana, il y avait effectivement aussi beaucoup d'humour, mais qui était dans le même sens que le dessin. Mon dessin est un peu loufoque et un peu très coloré, très éclaté. Donc l'humour se mixait très bien, puis ça paraissait plus comme dans l'univers des contes un peu humoristiques. Avec le dessin de Patrick, là, il peut avoir un certain clash, parce que son dessin est un peu plus réaliste, même s'il l'est pas tout à fait. Mais les monstres sont moins au deuxième degré en créature, en caoutchouc. C'est plus des monstres menaçants, la bête du lac, qui ressemble un peu à un alien ou quoi que ce soit, tu sais. Donc là, l'humour, permet, oui, peut-être plus de désamorcer, parce que le côté violent semble plus présent, on va dire, ou plus réaliste que, mettons, si dans Sagana, je faisais une tête coupée. C'était pas très grave, ça demeurait un peu loufoque. Dans la baie du lac, la violence est plus présente de par le dessin de Patrick, peut-être aussi par les actions qui y sont. Donc oui, l'humour permet de désamorcer un peu tout ça, puis de rappeler au monde que c'est juste une fable ou une histoire qu'on leur raconte aussi. Oui, mais j'aime bien, en fait, effectivement, ce que tu amènes, dans la mesure où les méchants, le côté sombre, si on peut dire, de manière générale, dans la série La Baie du Lac, c'est sombre, en fond. Les méchants sont méchants, puis autant dans le dessin, dans le ton, ils sont pas là pour l'humour, et au contraire, on va plus le retrouver chez des héros, chez ton Irlandais, par exemple, lui qui vient pour vaincre la bête, justement, qui va être un personnage beaucoup plus loufoque, qui va amener avec lui aussi une espèce d'univers celtique, un peu plus loufoque, finalement, qui va aussi être en réponse un peu à l'esprit amérindien, aux grandes étendues québécoises et le reste? Oui, absolument. Mais c'est aussi, pour le personnage irlandais, oui, il y a un côté loufoque, un genre d'ivrogne irlandais. Moi, je suis un gros fan des illustrations de Jean-Baptiste Monge, et on trouve souvent ça dans ce qu'il fait, des personnages irlandais au nez un peu rougeau, il manque quelques dents. Bon, Patrick l'a pas dessiné comme ça, c'est pas un problème, mais l'imaginaire de l'Irlandais batailleur, colérique, alcoolique, grand gueule, je l'ai beaucoup exploité pour ça. Mais il y a aussi le fait que tu parlais d'univers amérindien et tout, mais que j'aimais un peu le choc de ces deux civilisations-là, parce que jusqu'à récemment, on va dire dans les 20 dernières années, il y a eu beaucoup la théorie que les Vikings, ben, ou même avant, dans les 40-50 dernières années, que les Vikings ont été les premiers occidentaux européens à arriver en Amérique du Nord. Mais depuis peut-être justement 10 ou 20 ans, ou peut-être depuis moins de temps que ça, là, il y a une théorie qui veut que peut-être les Celtes étaient venus ici avant même les Vikings, puis je suis sûr qu'éventuellement, ça va être les Romains aussi qui sont peut-être venus. T'sais. Dans le sens qu'il y a eu peut-être plus d'échanges commerciaux d'aventure entre les deux continents que ce qu'on pensait. Donc moi, ça me plaisait de jouer sur l'univers celte. Je suis un gros fan de mythologie celtique, autant que scandinave d'ailleurs, et autant qu'amérindienne. Donc là, ça me permettait de jouer le clash entre ces deux mythologies-là. Et surtout que McCullen, là-dedans, le guerrier celte, est un descendant de Cuchulainn, que moi, je trouve, c'est un personnage absolument fabuleux, qui est un personnage qui existe dans le folklore celtique, on va dire, irlandais, au même titre que Achille ou que Hercule, donc, oui. C'est des personnages plus grands que nature et tout. Ça me permettait de jouer avec ça. Oui, puis j'avais l'impression aussi, en même temps, d'un côté, on trouve une mythologie qui, si on se limite, par exemple, à la sphère BD, la mythologie celtique est un peu plus mise en scène, si on peut dire, un peu plus connue aussi du lecteur lambda, du lecteur standard, si on peut dire. Mais en parallèle, la mythologie amérindienne, elle est très peu mise en scène, très peu exploitée. Donc, est-ce que l'un devient un peu une porte pour découvrir l'autre ou... Ah, peut-être. Mais dans le cas de la baie du lac, c'est sûr que j'ai pas exploré tant que ça la mythologie autochtone. Mais parce que aussi je le faisais quand même pas mal sur Sagana, ouais. Chronique sauvage. J'ai aussi utilisé ça, mais aussi sur parce que depuis l'an passé aussi, je travaille sur des romans jeunesse chez Perrault Éditeur, mm-hmm. avec Patrick Marlot. Donc on explore aussi beaucoup le côté Nouvelle-France fantastique avec d'authentiques entre guillemets personnages fantastiques autochtones comme les Wendigo ou les Adlais, qui sont en fait des hommes chiens dans la mythologie Inuit plutôt. Donc j'explore beaucoup ces thématiques mythologiques autochtones là dans mes autres séries. Pour la baie du lac, elle est en trame de fond, on va dire, mais je l'ai pas approfondie autant que je le faisais habituellement. C'est parce que j'ai le goût aussi de quitte à ne pas sortir du Québec, j'avais le goût de voyager un peu plus par la mythologie. Oui, puis en même temps, en profitant justement aussi des zones d'ombre qui sont offertes par le territoire québécois, qui, à l'époque du premier tome, était beaucoup moins exploité, si on peut dire, qu'aujourd'hui, où là, tranquillement, il y a d'autres auteurs aussi qui ont embarqué dans cet effet boule de neige, être un peu subconscient, où on a commencé à mettre en scène nos territoires, à mettre en scène nos forêts, etc. Ah ben oui, mais... Moi, j'aime beaucoup les frères Grimm, les contes des frères Grimm ou de Perrault. Mais le Québec est un immense forêt propice aux contes, aux histoires fantastiques, aux fabuleuses, aux terroirs. Là, il y a la Chasse-Galerie qui va sortir au cinéma ou qui est déjà sortie. J'ai même pas trop suivi ça. Mais oui, la forêt québécoise est un terroir fertile en possibilités de rencontres fantastiques ou non, ou sinistres, ou lugubres et tout. Il y avait pratiquement rien ici à l'époque, que quelques habitations ou quoi que ce soit. Donc, c'est facile d'inventer une histoire, aussi, un truc autochtone que j'ai beaucoup utilisé pour la baie du lac, en fait, c'est la présence d'un monstre marin. Ben, dans les lacs, on appelle ça des monstres lacustres, là. C'est que, dans la plupart des lacs québécois, il y a des légendes à propos de monstres marins à l'intérieur. Puis ça date pas des Français, ça date des Autochtones, beaucoup. Donc, c'est une manière aussi de, même sans qu'on s'en rende compte, de parler de monstres marins dans le Québec, donc de mythologie autochtone. Juste le panache sur la tête de la baie du lac, c'est beaucoup dans les monstres marins autochtones. Et j'imagine aussi à travers le travail de trilogie, il y a une notion de crescendo, en fait, d'un tome à l'autre. Ton premier tome, tu l'avais commencé, François Lapierre, avec un monstre marin qui se fait trucider dans un combat quand même assez intense. Le deuxième, on essaie de monter, mais au troisième, faut aller encore plus haut. Est-ce que ça met un peu de la pression? Est-ce qu'on se dit, OK, j'ai peut-être commencé assez, permets-moi l'anglicisme, assez high, mon premier tome, comment je vais faire pour dépasser ça? C'est sûr que je suis d'accord avec toi. Quand le tome 1 commence avec un monstre de la grosseur de Godzilla, puis un gang de villageois qui veulent qui détruisent une partie de la falaise pour le tuer, oui, la barre est un peu haute pour la suite. J'espère qu'on a réussi à aller plus loin que ça dans les tomes suivants, ou à tout le moins en émotion, tu sais. Avec le recul, c'est sûr que le tome 2, c'est un tome de transition, on va dire, tu sais, qui se tient en soi, bien évidemment. C'est comme beaucoup de trilogies, en fait. Mm-hmm. Il fait le lien entre l'intro et la conclusion, tu sais. Donc, sauf qu'il y a même McCullen comme personnage, qui est un personnage très fort et intéressant. Mais oui, dans le tome 3, je crois qu'à la fin, on a réussi à aussi un peu transcender l'effet du tome 1 avec le monstre marin, parce que c'est quand même une menace tout aussi forte et puissante à l'intérieur de la grotte. Oui, puis avec la pression ajoutée aussi, où dans le troisième tome, il faut réussir à tout expliquer, à tout fermer les portes qu'on a ouvertes, mais sans que ça devienne non plus trop verbeux dans les explications, puis de se perdre dans tout ça. J'imagine que ça doit être un certain défi de scénariste de dire, bon, OK, comment bien expliquer, puis comment bien conclure, finalement? Ça a été un défi, oui, parce que dans un monde idéal, on aurait fait 5 tomes avec ça, puis ça m'aurait permis d'approfondir certains personnages parallèles. Peut-être plus la relation d'amour entre Oriance et Ovid, plus jouer sur des subtilités, ou même prendre des chemins de traverse qui vont au même endroit, mais de manière plus lente ou quoi que ce soit. Mais bon, la volonté de l'éditeur, c'était de terminer la série en 3. Donc, le tome 3, effectivement, il a fallu que je rentre un paquet d'informations, un peu de force parfois pour dire, OK, là, faut que tout se tienne, faut que tout soit. Donc, je crois que ça demeure un album très fluide. Oui, il y a beaucoup d'informations au bout du compte, mais oui, ça a été un défi assez intéressant. Quand ton premier découpage scénaristique, t'arrives peut-être à 62 pages, puis ça t'en prend 48, OK, là, on va élaguer, on va couper. On trouve des astuces, des trucs peut-être moins intéressants à raconter ou qu'on peut le faire par le biais d'une image au lieu d'explication de 3 textes. ou trois bulles ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de monter la barre, en fait, au point de vue scénariste, puis de justement de passer à une autre étape. Fait que ça a été un défi très intéressant. Et on découvre, évidemment, je le rappelle, la résultante de tout ça avec cette trilogie, donc La Bête du Lac, le troisième tome qui est arrivé l'automne dernier. François Lapierre, scénariste, merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Raymond. Puis à la prochaine. Ben oui, à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, donc, je rappelle, La Bête du Lac, disponible chez Glénat. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Ai-je besoin de le rappeler? Peut-être deux petits clins d'œil à des textes que j'ai eu l'occasion de lire tout récemment. Alors, on parle notamment d'une série BD qui s'appelle Tib et Tatum. Alors, Tib et Tatum, donc tome 3, tout le monde sourit. Série, donc, qu'on connaît quand même assez bien, puisque les auteurs ont eu l'occasion de venir à quelques reprises, si je ne m'abuse, du côté du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Donc, à tout le moment, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller à la rencontre de ces deux personnes derrière l'univers de Tib et Tatum. Si vous ne connaissez pas l'univers de Grimaldi et Bannister, eh ben c'est l'histoire d'un dinosaure et d'un enfant. Dans le fond, l'enfant devient ami du dinosaure dans le premier tome. En fond, on voit que, bon, parce qu'une tâche de naissance quand même assez imposante, ben, elle est un peu rejetée, si on peut dire, du groupe, du clan. Donc, il va finalement trouver en ce dinosaure son ami, l'ami dont il aurait besoin. Évidemment, ben, le grand défi pour lui va être par la suite, certes, de lui se faire accepter peut-être de manière plus active par les gens de son clan, mais aussi et peut-être surtout de faire accepter le dinosaure par les gens de son clan. Ça devient un peu le moteur de ce récit. Donc, un dinosaure qui est quand même, qui est joueur, qui est un peu taquin, il reste, donc qui vient rendre plus complexes les actions de cet enfant pour essayer justement de raffermir les liens entre le dinosaure et son clan. Alors donc, la résultante nous amène vers tranquillement un troisième tome, toujours avec un peu cet enjeu. Et en filigrane, c'est aussi une histoire d'acceptation qui devient aussi le cœur du récit. Une nouvelle recrue, si on peut dire, dans le clan, une coupeuse de silex, en fait. On s'attendait à un homme, finalement, c'est une femme. Donc, tranquillement, elle trouve sa place également au sein de ce clan-là. Donc ça devient un petit sous-récit, si on peut dire, qui est en place, toujours en parallèle des jeux justement du dinosaure. Donc un album quand même à l'intrigue, je dirais, relativement légère, mais justement bien adapté à la clientèle à laquelle c'est désigné. Donc on va plus aller proposer la narration à travers le jeu, à travers le plaisir, à travers des anecdotes, des courtes planches, des petits gags, etc. Mais aussi à travers donc cette histoire qui tranquillement va amener des éléments, une grotte par exemple qui va avoir une importance en cours de récit, donc de jouer un peu avec la relation entre l'enfant et le dinosaure également pour créer une situation de conflit, des choses comme ça, donc ils vont venir enrichir, si on peut dire, l'univers de cet enfant préhistorique et de son dinosaure. Donc, la formule, quand même, est mise en place, donc on la respecte. Donc, ce qui fait que si vous avez apprécié le tome 1, le tome 2, vous allez être en territoire connu avec le tome 3. Donc, suffisamment de nouveautés pour renouveler un brin la recette, suffisamment de connus pour que ceux qui s'y connaissent justement n'y soient pas perdus. Alors évidemment tout ça avec un trait qui est rond, avec un trait qui est léger. Donc un album qui est vraiment axé sur la joie, sur l'amusement, sur une certaine naïveté, si on peut dire, mais dans le sens positif du terme. Donc, ce qui fait que, personnellement, j'avais bien apprécié les deux premiers tomes cette série. Et j'étais bien content de voir arriver le troisième, qui reste tout aussi solide, si on peut dire, que les précédents. Alors, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de jeter un coup d'œil à cette série-là, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Donc, Tib et Tatum, le tome 3, donc le tome 3 qui s'appelle « Tout le monde sourit ». Voilà, qui vient de sortir, donc, chez Cho. Autre titre dont je profite du temps qui nous est imparti pour vous parler, c'est la série Gobelins. Tome 9, en fait, une série qui roule aussi quand même pas mal. Une série qui est aussi vraiment ancrée dans une certaine recette, si l'on peut dire. Dans la mesure un peu à l'image, en fait, personnellement, j'y vais avec mes quelques références, là, mais à l'image, par exemple, d'une série comme Game Over, donc où on va donc retrouver une situation qui, normalement, à la fin de chaque planche, ben, va se terminer en sang, va se terminer en violence, et ben on va rouler un peu comme ça à chaque page, à chaque planche, autour des différents albums. Et donc, le défi, dans ma perception toujours, devient un peu de réussir à transcender le gag, à dépasser un peu le côté formulaire, si on peut dire, qui est imposé par le style. Et donc, dans ce sous-genre BD-là, si on peut dire, eh bien, il y a donc la série de Tristan Rouleau et Corentin Martinage, Les Gobelins, qui en est au 9e tome. Dans ce cas-ci, ben, c'est une peuplade de gobelins, des êtres très, très faibles et aussi très, très idiots, qui, évidemment, se mettent perpétuellement dans le pétrin et se font buter par un peu tout ce qui passe, des nains aux créatures, à eux-mêmes, et j'en passe. Alors, et un peu la grande question, c'est à savoir, ben ok, on a une situation dans laquelle ils se retrouvent maintenant, comment vont-ils décéder, comment vont-ils perdre toute dignité qu'ils ont au terme de cette situation. Alors, ça, c'est l'argumentaire de base. Dans le 9e tome, Sable chaud et Légionnaire, on a un peu deux pôles narratifs. Dans le fond, la première moitié de l'album, qui est une série à gag, mais dans lequel on va un peu moins aller dans le gag très sanguinolent, comme on y allait dans les précédents tomes. On va plutôt y aller vers des situations, donc des situations, des humiliations et le reste, dans lequel on va renverser la situation, mais où le gobelin va quand même réussir à survivre, si on peut dire, à la planche. Et dans la deuxième moitié, on va plutôt se retrouver avec un court récit, procédure par lequel quand même on avait intégré cet équilibre-là dans d'autres tomes de la série. Et donc, ici, on va vraiment faire, un récit très sanguinolent, certes, mais également truffé de références avec une référence dominante. Donc, on va partir du principe où la peuplade de gobelins souscrit à un échange de village, un peu comme on échange de maison, nous, dans notre vrai monde, ben, eux échangent de village. Et le village avec lequel ils échangent, si on peut dire, le leur, c'est celui des irréductibles gaulois. Évidemment, ils ne sont jamais montrés. On découvre quelques personnages, quelques éléments archétypaux, et les gobelins, donc, qui tranquillement cheminent vers la Gaule, rencontrent des pirates, s'allient avec les sangliers, luttent contre les Romains, et évidemment avec tout le manque de finesse et d'intelligence qui est le leur. Alors c'est un peu la nature de la bête pour cet album qui peut-être va, au niveau rythmique fonctionne peut-être un peu moins que d'autres albums de la série. Ça reste très sympathique, mais c'est extrêmement référentiel. Donc j'ai peut-être un peu moins accroché sur ce 9e tome que sur d'autres des précédents. Ça reste une série sympathique, un peu dans la veine de Game Over. Si on aime l'univers de Gobelins, évidemment on va avoir envie de jeter un coup d'œil au 9e qui reste en continuité. Mais par contre, c'est pas nécessairement, si vous connaissez pas cet univers-là, c'est pas celui vers lequel lequel j'aurais tendance à vous obliquer d'emblée, si on peut dire, pour vous amener dans ce monde, dans cette planète goblinesque. Alors, voilà donc pour ce 9e tome. Je rappelle que c'est du côté des éditions Soleil, 9e tome donc de Gobelins, Sable chaud et Légionnaire. En terminant, peut-être deux petites nouvelles d'actualité, simplement pour dire que deux petits changements du côté du monde des éditeurs qui ont eu lieu au début de l'année. Alors, notamment Michel-Édouard Leclerc, entre autres sponsor du Festival international de la BD d'Angoulême de 90 à 2007, avec l'ancien spécialiste au département des estampes et livres illustrés chez Art Curial, Luca Uro. Ils ont décidé de lancer une maison qui s'appelle MEL Publisher, qui éditera des beaux livres consacrés à la bande dessinée. Ce sera diffusé par la suite sur la plateforme Flammarion. Donc, Mel Publisher compte éditer 4 monographies d'artistes contemporains par an. Les deux premiers intégrés, son catalogue, vont être Lorenzo Mattotti et Nicolas de Crécy. Des ouvrages de plus de 330 pages dans la catégorie qu'on pourrait dire de beaux livres. Et enfin, depuis le départ de Mehdi Baraba, parti de chez Pika Édition, Kazemanga se cherche un nouveau directeur éditorial. Mais c'est chose faite avec l'arrivée au poste de Pierre Valls, directeur éditorial de Pika jusqu'en 2012 et de nombreux magazines de jeux vidéo. Il était depuis 2013 directeur éditorial chez Delcourt Manga. Alors voilà, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine de La Vie en BD. La semaine prochaine, ce sera un spécial Pow Pow. Samuel Quentin pour White Earth et Julie Delporte pour Je vois des antennes partout seront avec nous. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.